Ces marbres que sans bruit la vétusté dénude. De Robert de Montesquieu. Enregistré pour LibriVox.org. Ces marbres que sans bruit la vétusté dénude lui rendent, telle, sa robe, et de pire, leur chair. Moi-même j'en ai vu plus d'un qui me fut cher céder languissamment au cou de l'hiver rude. À tort, Vénus défend d'un doigt vainement prude des seins aménuisés par les baisers de l'air, car tout ce qui faisait leur gloire dans l'éther, le temps, pierre par pierre, à chacun d'eux l'élude. Dans un geste que rend inutile un envol, tous attestent ce dont ils déplorent le vol. L'un regrette son front, l'autre pleure son sexe. Mais, pour montrer, de tout, le seul amour vainqueur, à ce dieu, dont l'air fit un squelette qu'il vexe, la rouille, sur son flanc, linéamente un cœur. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.